En Pologne, la succursale de l'Association d'amitié avec la Corée a présenté dans son homepage d'Internet les œuvres classiques du général Kim Jong-il, le Parti du Travail de Corée et le Parti du camarade Kim Il-sung en leader, et à propos des problèmes fondamentaux posés par l'édification d'un parti révolutionnaire, alors que le homepage « La République populaire démocratique de Corée » son œuvre « Réalisons la réunification indépendante et pacifique du pays grâce à la grande union de notre nation tout entière ».